بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. Donc on va continuer inshallah sur la lecture du livre concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. ووصلنا إلى مسألة الاستفتاح المسألة التي تسمى بمسألة الاستفتاح سنتعلم فيها دعاء الاستفتاح قال المصنف رحمه الله تعالى وصلنا وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة الاستفتاح وذكر الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الدعاء قال ثم يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ ومسلم بلفظ نقني من خطاياي واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد Donc on va continuer. On est arrivé à la question qu'on appelle la question de al-istiftah. Donc on avait parlé dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de takbirat al-ihram. Donc on a dit, après avoir parlé de la question de l'entrée dans la prière, après que le croyant s'oriente vers Al-Qibla de tout son corps, et après qu'il ait l'intention d'accomplir la prière, et après qu'il effectue ce qu'on appelle Takbirat al-Ihram. Et donc on avait dit Takbirat al-Ihram, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et donc on avait dit, dans la prononciation du Takbir, de faire attention de ne pas mettre des prolongations dans ce qui n'a pas de prolongation. De ne pas dire, de ne pas faire une prolongation sur l'Alif de Jalala sur l'Alif Allahu Akbar, parce que là on pose la question, est-ce que Allah est le Akbar, et de ne pas faire de prolongation aussi dans Akbar, puisque là on change le sens, c'est le nom d'un instrument selon le sens qu'ont donné certains savants, et donc c'est Allahu Akbar, de bien faire At-Takbir lorsqu'on commence la prière. Et donc on a dit, certains savants ont dit, on doit venir avec ce lafd. On dit pas Allahu Azim ou Allahu Ajal. Fahada, là, ça ne passe pas. Il faut dire Allahu Akbar. Et on avait parlé de sagesse dans cela. Et à ce moment-là, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lever les mains. On avait dit de lever les mains. Et on avait dit les mains, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous est rapporté dans Riwayat, dans les différents hadiths, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait les paumes droites face à la Qibla. Face à la Qibla, donc les paumes droites. pas comme ça. Certains, lorsqu'ils font At-Takbir, ils ont les mains un peu pliées. Un peu pliées. Comme ça. Certains font comme ça. Ou certains écartent beaucoup comme ça. Ce qui est rapporté du prophète, fi al-riwayat, c'est que le prophète avait les paumes droites, les mains droites face à la Qibla. Et les doigts non écartés. Les doigts plus collés. Plus collés, comme cela. Et on avait dit à hauteur des épaules. À hauteur des épaules, voire des oreilles au niveau du niveau inférieur des oreilles, ou bien supérieur, la limite, ou bien supérieur comme c'est rapporté. Donc, le fait de faire Takbir de cette manière, certains élèvent trop les mains. C'est une erreur. C'est pas rapporté du prophète. Ou bien, plus bas, au niveau des, souvent au niveau des, de la poitrine. Souvent, certains commencent comme cela. Comme cela. Avec les paumes des mains vers le sol. Donc parfois on a la connaissance, mais parfois c'est par oubli, ou parfois c'est par négligence. On a appris souvent cela, mais on oublie. Parfois avec le temps, on commence un peu à négliger nos mouvements. C'est pour ça que même ceux qui ont déjà appris cela, c'est très bénéfique parce que c'est un rappel. Et puis ceux qui connaissent pas les subtilités, des détails de la prière du prophète, eh ben on va les apprendre à travers le livre. À la base, on s'appuie sur le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et de temps en temps, on vient et on va citer des choses importantes qu'il y a dans le commentaire du livre de Cheikh al-Albani concernant la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que Cheikh al-Allama al-Faqih Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rakkaza ala al-masail al-fiqhiyya. Il s'est beaucoup concentré sur les questions liées à la jurisprudence de la prière. Malgré que vous allez voir que wa yurakkaza ala al-hadith. Il va se concentrer aussi sur al-hadith. Ce ilm al-hadith, puisqu'il va citer lorsque des récits sont pas authentiques. Et aussi, on a dans le livre de Cheikh al-Albani, dans la description de la prière du prophète, le fait que Cheikh, dans son livre, rapporte en général les textes, beaucoup de textes, concernant les questions qu'on va traiter, concernant la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on avait dit l'importance de cela, on avait justement lit une partie du récit lorsque le prophète Hassan dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et il est rapporté dans une riwaya, dans une version du hadith, que des jeunes gens étaient restés auprès du prophète Hassan une vingtaine de jours. Ils sont restés avec le prophète Hassan une vingtaine de jours. Ensuite, au bout d'une vingtaine de jours, le prophète Hassan a ressenti que leurs proches leur manquaient. Alors le prophète Hassan ensuite leur a dit qu'ils pouvaient retourner et revenir vers leurs proches, mais il leur a fait des recommandations. Parmi les recommandations, il leur a dit « enseignez-leur ». Ils sont restés 20 jours avec le prophète, sallam, ashruna yawman, avec le messager d'Allah. Ils ont appris des choses, et le rapporteur du récit, rappelez-vous-en, lorsqu'il dit « il y a des choses dont je me rappelle et des choses que je ne me rappelle pas ». Mais il se rappelle que le prophète, sallam, lui avait dit « enseignez à vos proches ». Et parmi les choses que le prophète Hassan leur a dit aussi, وَصَلُّ كَمَا رَيْتُمُونِي وَصَلِّي. Et priez comme vous m'avez vu prier. De prier comme ils ont vu le prophète Hassan prier. Et donc c'est pour ça qu'on, la fois dernière, on s'était quitté avec un rappel immense, le mérite immense, près de 15 siècles après, d'être قَعِي جَالِسُ فِي بَيْتْ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ نَتَذَكَرْ كِتَبَ اللَّهِ ونتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نعم الله عز وجل في هذه الدنيا سبحان الله. On est dans une demeure parmi les demeures d'Allah et on essaie d'écouter des hadiths du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et sans prétention, puisque beaucoup le font sans prétention, mais cherchez les endroits aujourd'hui, malheureusement, où que les cours sont basés sur les écrits et les œuvres des grands savants. Cherchez les endroits où l'imam, ou le shir, ou le talab al-ilm, ou l'enseignant, ou le muhadir, celui qui fait la muhadara, lui, il transmet kalam al-ulama. Cherchez. Les endroits sont, c'est rare qu'aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, c'est pour ça que certains ont un peu hajar les mosquées. Un peu hajar les mosquées, pourquoi ? Parce qu'ils disent on a tout sur YouTube. Or, YouTube, vous apprenez pas des livres. C'est des rappels. Sur YouTube, vous avez des petits rappels, sur la patience, sur la sincérité. Aïna tadris al-kutub. Où est-ce que est l'enseignement des livres, d'apprendre un livre du début à la fin? C'est ça l'ilm. Ta'asil, l'ilmi. Anna l'insan yata'allam yata'faqa fi dinbi al-ta'asil. De prendre une matière et d'apprendre la matière du début, min al-bidaya, de prendre des livres. Sur YouTube ou sur certains réseaux sociaux, vous allez écouter des rappels, des questions, mais vous n'allez pas apprendre des livres. À part si vous venez, vous allez dans les chaînes des ulama, al-mashaykh ou al-ulama, là vous pouvez, alhamdoulilah, ils ont mis les audios, du début à la fin, vous pouvez apprendre, par exemple, al-muwatta, sharh al-muwatta, par exemple. Mais ça, si vous allez dans les chaînes des ulama. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils connaissent al-sighar wa tarakul kibar. Alors que le prophète Sam dit al-baraka ma akabirikum. La bénédiction, elle est avec vos grands, avec al-kibar. Et aujourd'hui, les gens ont délaissé le ilm des kibar. C'est pour ça que vous allez assister à certains endroits, sans prétention. Il y a des mahadara, des prêches, des conférences, mais c'est quoi la référence? C'est quoi la source du prêche? Vous savez pas. Et ça, les gens, très peu se rendent compte du mérite de venir et d'écouter Kalam al-Ulama. Lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes apaisé, vous savez ce que vous avez appris, c'est Al-Shir Fulani qui l'a dit, ou l'Alim al-Fulani qui l'a dit, avec barre de l'Fawaïd de tel et tel savant. Ça, c'est Kalam al-Ulama. C'est la parole des grands savants. Et d'être dans une demeure parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit ni'matun 'azima. Et on ne parle pas de dunya. On ne parle pas de dunya. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'intérêt mondain. On est en train de parler de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, ahad al-mashaykh wa al-ulama, ja fi madinati Jeddah. Certains disent Jeddah. La ville de Jeddah, proche de la Mecque, à peu près 70 km, 100 km de la Mecque. Il est venu donner une conférence entre Salat al-Maghrib et Wal-Isha, le Sheikh. Et donc il a fait un voyage. Lui, il habite dans une autre ville de l'Memlaka. Il est venu donner une conférence entre Salat al-Maghrib et Wal-Isha, fi Asharat al-Sa'a, concernant les signes précurseurs de la fin de l'heure, des temps. Et lorsqu'il s'assit, il a commencé à dire, subhanallah, il a fait un rappel, que des assises entre Salat al-Maghrib ou al-Isha, il faut les faire. Des assises comme celle-ci, puisque la conférence est entre al-Maghrib ou al-Isha, il dit il faut faire ces assises. Pourquoi? Parce que depuis Salat al-Fajr, ila Salat al-Maghrib, ishtaghalna bid-dunya. On était dans la dunya. Et on se préoccupait à l'acquisition des biens et d'amasser les biens de cette vie d'ici-bas. Donc on était dans nos soucis, nos problèmes. Alors le cheikh dit, est-ce qu'on peut pas donner une heure pour notre akhira? On peut pas investir un peu pour l'akhira et donner une heure. On s'assoit une heure dans la mosquée, dans une demeure parmi les demeures d'Allah. On atazakar kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Au moins. Au moins. Donc regardez. On avait dit dans la description de la prière du prophète, hein, ce que disent les ulama lorsque vous regardez les riwayat. Et sachez qu'à l'époque, dans les premiers temps, il parcourait des contrées, c'était des voyages. Il n'y avait pas ces moyens modernes pour aller chercher ces hadiths. Et nous, on est là, assis, alhamdulillah, dans un confort extrême, walillahi alhamd, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasma hadil ahadith, subhanallah. Et comme on a déjà dit plusieurs fois, les hadiths, faut les écrire. Pourquoi? Parce que ces hadiths-là, les gens ont fait des voyages, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. C'est pour ça que depuis les premières générations, ils mémorisaient les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Cheikh Azim, qu'est-ce qu'on écoute là? Alors, dans la prière du prophète, il nous est dit que le prophète levait les mains au takbir. C'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est une sunna de lever les mains. On avait dit, quand on dit Allahu Akbar, avant, après ou pendant? Les trois, on avait dit, sont rapportés, on avait rapporté les hadiths sur ça. Une fois qu'on pose la main, on avait dit, comme cela, ou al-qabd. Les trois manières sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sur la poitrine, c'est ce que certains savants disent, c'est le plus authentique, sur la poitrine. Sinon, c'est rapporté sous la poitrine, mais sur le nombril, comme cela. Ou sinon, sous le nombril, c'est rapporté de Ali ibn Abi Talib. Beaucoup de savants disent que c'est da'if. C'est faible. Mais c'est les trois choses qui sont rapporté. En dehors de cela, les savants disent qu'il n'y a pas de récit qui rapporte autre. Qui rapporte autre chose. Il n'y a pas de récit qui rapporte autre chose. On a dit ensuite, là, avant de réciter le Fatiha, maintenant l'auteur dit, après qu'on ait parlé du regard, Masalat al-Nadhar fi Salah, on a dit de regarder à l'endroit de la prosternation, mais on avait détaillé le fait de la permission de fermer les yeux, si on en a besoin ou pas, est-ce qu'il est permis de fermer les yeux ? On avait détaillé cette question-là, le fait de fermer les yeux. On avait parlé de la question, le fait de regarder en haut pendant la prière, al-Tahrim, l'interdiction de regarder en haut, wala yaminan, wala shimalan, wala iltifatan, et de ne pas se retourner à droite et à gauche. Et on avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an hada fi hadithi Aisha, فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد من صلاة العبد إلا قال الشيخ تعليقا على هذا الحديث إلا إذا احتاج لذلك ليساق أو غير لبساق أو غيره. Et donc ces mouvements là, le prophète Hassan dans un hadith, Aïcha nous apporte le fait d'aller à droite ou à gauche, alors que le corps est dirigé vers Al-Qibla, c'est fait partie de ce que dérobe Al-Shaytan de la prière du serviteur. Hattan taqal al-musannif, Al-Shaykh Mohammed ibn Salih al-Anthaymin, il a masalat al-istiftah. Maintenant, on rentre dans la question de l'istiftah. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions dans la question de al-istiftah. Al-istiftah, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a commencé la prière, et ça y est, on a les mains posées, avant de réciter, avant de faire ce qu'on appelle l'istihada ou le basmala, et de réciter al-fatiha, il y a ce qu'on appelle l'invocation de l'istiftah. Et donc on va bien parler de cette invocation. On va parler du hukm, du statut, du jugement religieux concernant dua al-istiftah, et d'autres questions concernant dua al-istiftah. Dans la dernière assise, on avait commencé à parler de certaines questions. Et on va les redétailler. On avait commencé à parler de certaines questions, mais ces questions-là, on va les revoir. Premièrement, l'auteur a commencé à citer Ad-Dua, l'invocation qui est rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation célèbre qui est dans Al-Bukhari et dans Muslim, où il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en commençant la prière, il disait Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya, kama ba'atta bayna al-mashriqi wal-maghrib, ila akhir Ad-Dua. Il est dit que ce hadith-là, ce dua-là, comme on l'a dit, vous le retrouvez aussi bien dans Al-Bukhari, il est rapporté par Al-Imam Al-Bukhari. Vous retrouvez cela, fi Sahih Al-Bukhari, fi Kitab Al-Adhan, Kitab Al-Adhan. Tayyib. Rawi Al-Bukhari an Abi Hurayra, radiallahu ta'ala an. B. هذا اللفظ. L'énoncé qu'on a lu précédemment, c'est l'énoncé que vous retrouvez dans l'authentique de l'imam Bukhari, de cette invocation, de l'ouverture. Et un muslim bilafzi qu'on avait lu un autre énoncé, comme on va le relire après dans ce qui va suivre. L'auteur nous dit, Shaykh Al-Uthaymeen dit, wa an Abi Hurayra رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم lorsqu'il commençait la prière avant de lire al-Fatiha, Abu Huraira il disait que le prophète marquait un temps de silence, un temps de silence. Et donc il dit, il restait un court moment silencieux avant de commencer de réciter le Coran. Donc regardez, les compagnons nous rapportent cela, que avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran, il restait un court instant silencieux. Et ce court instant silencieux, parce que le prophète, comme on va le voir, récitait justement l'invocation du commencement. قال الشيخ تعليقا وشرحا لهذا الحديث وهذا في الصلاة الجهرية وكان لا يمكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنها فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الشيخ et donc الشيخ il nous dit regardez les compagnons ils n'ont rien laissé du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils ont observé dans la prière du prophète que le prophète lorsqu'il commençait donc il faisait takbir ensuite avant de commencer la lecture et là Cheikh nous dit donc on comprend que c'est dans une prière jahiliya à voix haute une prière à voix haute alors lorsqu'ils ont vu que le prophète laissait un temps silencieux alors comme dit Cheikh les compagnons n'ont rien laissé ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent ya rasulallah as-tu vu que dans la prière tu laisses un temps regardez il est rapporté dans le récit que alors ils interrogèrent le prophète et le compagnon je dis c'est-à-dire le compagnon Abu Huraira il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah je sacrifierai père et mère pour toi c'est une sorte d'expression bi abi anta wa ummi ya rasulallah je sacrifierai père et mère pour toi tu restes un temps silencieux entre takbir le fait de dire Allahu Akbar et ta récitation du Coran que dis-tu et là le prophète sans ça il répondit je dis et il dit l'invocation que je vous ai récitée en arabe une traduction relative il répondit je dis au Seigneur éloigne-moi de mes péchés comme tu à éloigner le levant du couchant. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie la saleté sur un vêtement blanc. Ô Seigneur, lave-moi de mes péchés avec de la neige, de l'eau et de la grêle. Ça a une traduction, on peut s'appeler la parole du prophète, c'est ce que disait dans un dua. Et Cheikh va me dire, c'est le dua qui est célèbre du prophète. On va voir, il y en a d'autres. Il y a d'autres manières d'invoquer pour l'ouverture. Donc, peut-être beaucoup parmi vous ont appris celle-ci, pour ceux qui disent, pour ceux qui prononcent. Si vous ne dites pas celle-ci, vous dites une autre, et c'est une autre qui est rapportée, ça va venir. Al-Muhim, celle-ci, est célèbre. Pourquoi ? Parce que Cheikh, il va dire que ce dua-là, il s'agit du hadith le plus authentique. Fi had al-bab. Il s'agit du hadith le plus authentique rapporté à ce sujet. Mais regardez ce que va dire Cheikh. Lorsque je dis l'auteur, vous avez compris maintenant, c'est Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahmatullahi alayh. Regardez ce qu'il dit. Il dit وَهَذَا أَصَحُ حَدِيثُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ لَا يَعْلَمُونَ عَنْ هَذَا الْإِسْتِفْتَاحِ وَلَا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ. Il dit ce doua que le prophète sallam disait, donc avant de commencer la récitation, et vous avez vu les compagnons par la grâce d'Allah, comment ils étaient soucieux d'apprendre. Un temps silencieux que le prophète laissait, Abu Huraira lui a dit, je sacrifierai père et mère au messager d'Allah. Que dis-tu ? Donc ils savent que le prophète, s'il laisse un temps, un instant, c'est qu'il dit quelque chose. Que dis-tu au messager d'Allah ? Et là, le prophète de dire ce qu'il disait. Et regardez, le mérite du compagnon Abu Huraira, jusqu'à aujourd'hui, près de 15 siècles après, les musulmans, ils apprennent dua al-istiftah. Et ils disent dua al-istiftah fi salah. Qu'est-ce que va dire Cheikh Ibn al-Uthaymeen ? Il dit ce dua-là, donc je vous ai lu la traduction relative. C'est pas en vain. Parce que comprenez bien ce que le prophète disait dans le dua, on va y revenir, puisque l'auteur ici, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, va avoir une explication très pertinente sur ce qui se dit dans le dua. Regardez ce qu'il va dire. Avant cela, il dit... Donc, ce hadith-là, ce dua-là, est le plus authentique de ce qui est rapporté. Malgré qu'il y en a d'autres authentiques qu'on verra qui sont rapportés. Mais il dit, وَهَذَا أَصَحُ حَدِيثُ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَمَعَ ذَلِكَ Mais malgré cela, il dit, فَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ La majorité des musulmans aujourd'hui, لَا يَعْلَمُونَ عَنْ هَذَا الْإِسْتِفْتَاحِ ils ne connaissent pas la dora d'ouverture. Et donc il dit wala yastaftihuna bihi. Et donc ils font pas l'ouverture dans la prière. Beaucoup, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas appris cela. Donc dans leur prière, pourtant qu'ils pratiquent quotidiennement, c'est pour ça que chaque jour il faut apprendre de plus en plus. Et certains récitent directement, ils ne disent pas dora à l'istiftah. Comme on verra, beaucoup de savants considèrent que le jugement religieux, et on détaillera cette question ensuite, le hukm, jugement religieux, c'est qu'elle est fortement recommandée. Celui qui omet de la dire, sa prière est valable et n'a pas commis de péché. C'est fortement recommandé. Mais le croyant, lui, s'efforce toujours de faire ce qui est meilleur. Donc même les choses, si elles ne sont pas obligatoires, on s'efforce toujours d'essayer de les appliquer. قال الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك اسمعوا وركزوا على هذا الكلام فكان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أي فلا أقربها ولا أحوم حولها فتسأل الله تعالى أن يجنبك الخطايا وأن يبعدها عنك حتى لا تباشرها وتقع فيها وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه لأن الشيء إذا كان بعيدا عنك لم يقع منك فإن وقع فاللهم نقني منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني أزله عني واجعلني نقيا منه ثم ضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لهذه الإزالة بقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض واختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس في البياض أظهر وأبين فأدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه لكن الأسود أو الأحمر فلا يظهر فيه أثر الوسخ إلا إذا كان وسخا ثقيلا جدا. Là c'est très pertinent parce que Cheikh il dit regardez maintenant observez. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui dont Allah azza wa jal a pardonné les péchés passés et futurs. Allah lui a tout pardonné. Ghafara Allahu lahu. Ma taqaddama, ce qui a précédé, antérieur, les fautes antérieures, et ce qui viendra. Allah azza wa jal ghafara lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ghafara lahu. Malgré cela, regardez, au début de l'invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma ba'id. Baini wa baina khatayay, ô Seigneur, écarte, dans la traduction relative, le prophète Gadaï disait, ô Seigneur, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné le levant du couchant. Ô Seigneur, ça c'est la parole du prophète. Le prophète, malgré qu'Allah Azza wa Jalla lui a tout pardonné, il dit, éloigne de moi mes péchés comme tu m'as ou plutôt, comme tu as éloigné le levant du couchant. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela, bimarna ay la aqrabaha, c'est-à-dire qu'il ne se rapproche pas, il ne veut pas se rapprocher de ces erreurs-là, de ces fautes-là. Alors, dans cette invocation, tu invoques Allah azza wa jal, fatasallaha ta'ala an yujannibaka al-khataya. Tu demandes qu'Allah jalla wa ala t'écarte et t'éloigne des erreurs. Tes cartes étaient loin des erreurs. Si le prophète Hassan disait et implorait Allah de cette manière, quelle est notre situation à nous ? À plus forte raison. Regardez comment le prophète Hassan enseigne à sa nation, à sa communauté, comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette invocation, lorsqu'on commence la prière, cette invocation elle est immense parce qu'on demande, on commence déjà à demander à Allah azza wa jal qui nous éloigne de nos fautes. Il nous éloigne de nos fautes comme il a éloigné le levant du couchant. Ensuite, regardez ce qu'il dit. وأن يبعدها عنك حتى لا تباشرها وتقع فيها. Et donc qu'Allah t'éloigne de ces erreurs-là pour que tu évites de les commettre et les pratiquer. Regardez ce qu'il dit. Il dit donc cette invocation, à quel moment ? Cette invocation, il dit, وَهَذَا دُعَانْ شَيْءٍ. C'est l'invocation d'une chose, qu'Allah t'éloigne d'une chose, avant qu'elle se produise ou après qu'elle se produise ? Avant. Ça, c'est une invocation que tu fais pour te prémunir, te préserver de la faute. Et de l'khataya. Donc, tu invoques Allah Azzawajal de cette manière pour qu'Allah t'écarte et t'éloigne, en quelque sorte te protège et te préserve. Donc, c'est, on appelle ça qabl al-wuqu', avant de tomber. Avant de tomber dans les erreurs. Tu demandes qu'Allah Azzawajal te t'éloigne de cela. Idha kana ba'idan 'anka lam yaqa' mink. Lam yaqa' mink. Pourquoi ? Parce que Cheikh, il explique, il dit, si ces erreurs-là sont loin de toi, donc tu ne tombes pas dedans. Si elles sont loin de toi, tu ne tombes pas. Regardez, lorsque Ibrahim, alayhissalam, le prophète, lorsqu'il demande qu'Allah, azzawajal, il éloigne lui et sa descendance du shirk, un abud al-asnam, il a cité ce verbe-là, jannibni, éloigne-moi, écarte-moi, moi et ma descendance de l'adoration de Al-Asnam. Éloigne-moi, écarte-moi, que je sois loin. Loin de cela. Pourquoi ? Si on est éloigné du shirk, de l'erreur, à plus forte raison, on ne tombe pas dedans. Donc quand vous faites cette doa de l'Istiftar, c'est immense. C'est pour pas tomber. Donc ça, c'est qabl al-wuqu'. Taïb. Lakin in waqa'at. Ala fard bi annaka waqa'at fil khataya. Maintenant, si dans l'hypothèse, tu es tombé dans les fautes et les erreurs, t'es tombé. Ala fil fitnati saqatu, t'es tombé. Waqa'ta fiha, tu es tombé dedans. Qal al-shaykh, fa in waqa'a fallahumma naqqini. Là, vous avez vu ensuite, le prophète nous apprend de dire Allahumma naqqini min al-khataya ou min khataya. Ô Seigneur, naqqini, purifie-moi de mes erreurs. Kama yunaqqa, comme on purifie le vêtement blanc de la saleté. Et là, Cheikh, il va dire, regardez, donc si maintenant tu es tombé, donc au départ, c'est comme si c'est lié à quelque chose avant de tomber dans la chose. Avant de tomber dans la chose. Et ensuite, si tu es tombé dans la faute, alors tu dis, c'est pour ça que le doigt est immense, puisqu'ensuite tu vas dire, Allahumma naqqini, ô Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, justement, de mes fautes. Comme on purifie, kama yunaqqa, comme le vêtement blanc est purifié de la saleté. Il dit, Cheikh, regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné l'exemple. Thumma daraba, sallallahu alayhi wa sallam, mathalan li hadhihi al-izala. Le prophète ensuite a donné un exemple. Et l'exemple, c'est le vêtement blanc. Pourquoi ? Parce qu'il dit, c'est dans le vêtement blanc que la saleté est plus apparente, est le plus apparente. Il n'a pas choisi un vêtement de couleur noire, ou rouge, ou d'une autre couleur, où la saleté n'est pas forcément apportante, ou apparente, apparente. Mais le prophète a donné l'exemple du vêtement blanc. فَأَدْنَا وَسَخْ فِي ثَوْبِ الْأَبْيَدْ يَظْهَرُ فِي. Et Chir, regardez ce qu'il dit. Il dit, la moindre saleté dans le vêtement blanc, elle apparaît. La moindre, elle apparaît. Donc regardez, c'est très pertinent. À présent, ceux qui, quand on va réciter dans l'istiftar, natadabbar al-kalimat, on va méditer les kalimat, elles sont azim. Le prophète a bien cité le vêtement blanc. Pourquoi ? Parce que la saleté dans le vêtement blanc, elle apparaît. Elle apparaît. Et le prophète, regardez, il dit, Allahumma, purifie-moi de mes erreurs. Purifie-moi de mes erreurs. Donc le vêtement blanc qu'a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَبَعْدًا تَنْقِيَ قَالَ قَدْ يَكُنُ فِيهِ بَقِيَّةَ أَثَرٍ. Sauf que après la purification, donc je vous relis le dua, on va mieux le comprendre. Donc le prophète disait, oui, je dis, avant de réciter le Coran, le prophète dit à Abu Hurayra, je dis, ô Seigneur, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné le levant du couchant. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie la saleté sur un vêtement blanc. Imaginez-vous, purifie-moi, cette invocation, elle est vraiment immensément pertinente. Purifie-moi de mes fautes, de mes péchés, comme on purifie le vêtement blanc. Le vêtement blanc de la saleté. Mais ensuite, regardez, le prophète, sallam, ensuite, continue et dit, ô Seigneur, lave-moi de mes péchés, avec de l'eau, de la neige ou de la grêle. Oui, la neige a précédé, la neige, de l'eau ou de la grêle. Regardez ce que va dire Shir Ibn Al-Thaymin. Il dit, après la purification, قَدْ يَكُونُ فِيهِ بَقِيَّةَ أَثَرْ. Après la purification, peut-être qu'il va rester des traces. Des traces de cette souillure. Regardez bien ce qu'il dit. Après une purification, il reste parfois des traces. Regardez ce qu'il va dire. Donc le prophète sallam dit Allahumma irsilni. Allahumma irsilni. Lave-moi. Regardez ce que le shir va dire. C'est immensément pertinent. Il dit Fayazulu bidhalika al-athar. Il dit mathalan, law waqa'a mathalan 'ala thawbika wasakh wa hakaktahu. Il dit si par exemple dans ton vêtement, tu as par exemple une saleté ou une souillure qui est tombée sur ton vêtement, qui est épaisse. Et toi ensuite tu grattes, le fait de gratter et de faire partie, ensuite elle part. La saleté, la souillure, elle part. Elle est partie. Donc là, on dit que tu as enlevé la souillure du vêtement. À partir du moment que tu l'as enlevé, c'est ça la purification. Il était purifié, puisque tu l'as enlevé. Si par exemple, là, c'est une souillure quelconque qui est épaisse ensuite, lorsqu'elle sèche, elle devient solide, par exemple. Elle devient épaisse. Et toi, tu grattes. Tu grattes et ça part. À ce moment-là, tu as purifié ton vêtement. Pourquoi ? Parce que l'impureté est partie. Sauf, il reste des traces ou pas ? Il peut rester des traces. Regardez, le prophète, après avoir dit « Naqini, Allahumma Naqini ». Le prophète ensuite, après avoir parlé de purification, comme on purifie le vêtement blanc de la saleté, le prophète dit « Allahumma Arsini ». Ô Seigneur, lave-moi. Pourquoi ? Parce que peut-être après la purification, il reste des traces. Et là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô Seigneur, lave-moi ». نَقُولُ هَذِهِ تَنْقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي دَوْرَ الْغَسْلِ ولذلك إذا كانت النجاسة على الثوب فأزلها أولا حتى ينقى الثوب منها ثم بعد ذلك اغسلها. Regardez ce que dit Cheikh, il dit on a la première étape de la purification et la deuxième étape du lavage. De sorte, il dit si tu as une impureté qui est tombée sur ton vêtement, alors premièrement azilha, dissipe l'impureté, dans le sens enlève l'impureté d'abord. Après que tu aies enlevé l'impureté, donc ton vêtement, ça y est, il est purifié de l'impureté, il n'y a plus l'impureté. Le deuxième étape ensuite, lave-la. Lave-la. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اِرْسِلْهَا. Le shir dit, tu la laves. قَدْ تَقُولُ. Mais une personne, il dit, pourrait dire. Donc jusque-là, vous avez compris, la pertinence le sens vraiment immense de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قَدْ تَقُولُ. Il dit, peut-être une personne dira, pourra se poser une question, Al-ma'u la shakka annahu yutahhir. Il dit, l'eau, il n'y a pas de doute que l'eau, ça purifie. Il n'y a pas de doute que l'eau est purificatrice. Elle purifie. C'est pour ça, dans la taqsim ou aqsam al-miya, la catégorie ou les catégories, la subdivision dans les catégories d'eau, certains savants considèrent que l'eau se divise en deux catégories. Tahir, Wanajis, ou Tahur, Wanajis. Ils disent l'eau pure et l'eau impure. Et certains savants, trouvés dans des livres, ils la subdivisent en trois catégories. Tahur, Tahir, Najis. Alors, première catégorie, certains disent l'eau pure. Deuxième, pure et purificatrice. Et ensuite, impure. Certains savants font la différence entre une eau qui est juste pure, mais pas forcément purificatrice. C'est ce qu'ils appellent dans certains mazahib, dans certaines écoles, tahir. Tahir, c'est pur. Mais c'est pas forcément tahur. Tahur, c'est lorsque c'est pur et elle est purificatrice. Donc dans certains mazahib, certaines écoles, vous allez trouver certains livres de jurisprudence, ils considèrent que l'eau se divise en trois catégories. Tahour, pure et purificatrice. Tahir, juste pure, mais pas forcément purificatrice, mais elle est pure. C'est-à-dire, on ne peut pas se purifier avec. Et Najis, impure. Et beaucoup de savants, vous allez retrouver dans certains livres, ils disent non. L'eau, al-ma, al-qasim al-qismain, se divise en deux catégories. Soit elle est tahour, tahir, ils disent elle est pure. Et forcément, si elle est pure, elle est purificatrice. Ou bien Najis. Ou bien Najis. Comme lorsque le prophète, Ansem Souila, An ma'il bahr. Lorsque le prophète a été interrogé au sujet de l'eau de la mer, il dit Tahuru ma'uhu wa hillu ma'itatu. Le prophète a dit son eau est pure et ses cadavres sont licites. Et ses cadavres sont licites. Wa tahuru ma'uhu. Et son eau est pure. Tahur, dans le sens pur et purificatrice chez beaucoup de savants. El muhim. Donc il dit El ma'u. La shakka annahu yutahir. L'eau, il n'y a pas de doute qu'elle. Elle est purificatrice, l'eau. Il n'y a pas de doute sur cela. Lakin al-ma'ruf an al-ma' al-harra ablaru fin tanzif. Mais dit, il n'y a pas de doute que l'eau, lorsqu'elle est chaude, elle est encore plus. Elle convient mieux pour laver et purifier. Lorsque l'eau est chaude, alors là, on peut mieux dégraisser, on peut mieux nettoyer avec de l'eau chaude. Wa ashaddu izalatan lil-wasakh. Et donc, on peut mieux. Ici, enlever les impuretés et les saletés. لأن الماء الحر يطهر أكثر من الماء البارد. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est testé, hein, l'eau chaude purifie mieux que l'eau froide. وعندما نغسل الثوب بالصابون نسخن الماء ونغسل. Et lorsque, par exemple, il dit, on lave des vêtements avec du savon, et du savon, alors on chauffe de l'eau et là le lavage est meilleur. فَلِمَادَ قَالَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. Alors il dit pourquoi le prophète Ansem il a dit au Seigneur, regardez la fin de l'invocation, lave-moi de mes péchés avec de la neige, de l'eau et de la grêle. Regardez l'observation de l'ulama. Des fois lorsqu'on lit ce genre de fawaïd, on lit ce genre d'observation, on se dit ajib. Ça veut dire que Al-Mashir, c'est toute la journée, ils doivent réfléchir. Même avant de dormir, ils doivent réfléchir sur l'Ada'iyya. Parce que là, il fallait aller jusque-là, réfléchir. Billahi alaykoum. Il y en a parmi nous qui disent ce dua depuis des années. Depuis des années. Après, peut-être que certains d'entre vous, mashallah, hein, ils ont déjà vu le faïda, ils ont déjà pensé à ça. Mais qui est-ce que depuis des années qui lit ce dua et qui a pensé à ça? Ô Seigneur, lave-moi de mes péchés. Comme on les lave, comme on lave cela, regardez, lave-moi de mes péchés avec de la neige, de l'eau et de la grêle. Cheikh, il est parti jusqu'à réfléchir et dire, à la base, c'est l'eau chaude qui lave mieux. Mais pourquoi? Là, il se pose la question, si le prophète a cité le froid, l'eau froide, la grêle, la neige, c'est qu'il y a quelque chose. Regardez ce qu'il va dire. Qala. Naqul. La réponse, qala al-ulama, lui-même ce qu'il dit, les savants ont dit. Donc lui, il va dire, qala al-ulama, les savants ont dit. لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب. يقول اغسلني من خطاياي وليس من أوساخي حسية والذنوب والخطايا عقوبتها النار والنار حرة والمناسب أن يزال الشيء بضده والذي يناسب مقابلة النار الحرة هو الثلج والبرد فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا باردا حتى يزول أثر العذاب بالكلية ولهذا قال بالماء والثلج والبرد وهذه هي الحكمة وهذه هي الحكمة فصار هذا الاستفتاح جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه وللتنقية منه بعد وقوعه ولإزالة أثري بالكلية بغسل بالماء والثلج والبرد. سبحان الله. Et donc, Cheikh, ce qu'il dit, il dit les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, ça veut dire que les savants ont traité cette question. Et ils ont réfléchi à cela. Alors, ils ont dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité le froid. comme la neige, la grêle. Et cela, pourquoi ? Parce que, parce que là, le prophète, il demande à Allah de le purifier et de laver de quoi ? Des péchés. Donc là, la demande du prophète, c'est que Allah Azzawajal le lave des fautes et des péchés. Sauf qu'il dit, اغسلني من خطاياي ليس من اوساخ حسيه. C'est pas une saleté qui est perceptible. Là, les péchés, les fautes, c'est pas اوساخ حسيه. C'est pas quelque chose de perceptible. Là, c'est الذنوب, c'est les péchés et c'est les fautes. Et quelle est la punition des péchés et des fautes ? Le feu. Il dit la punition des péchés et des fautes, c'est le feu. An-narul harra. C'est un feu ardent, brûlant. C'est ça la punition des péchés. Donc, il convient. Qu'est-ce qu'il convient ? Il dit an yuzal ash-shay'u bi-diddi. Que la chose, elle soit enlevée, dissipée par son contraire. Par son contraire. Et là, comme la punition, c'est le feu, une chaleur ardente, regardez, alors son contraire, c'est le froid. Donc il convient pour dissiper ce feu et cette chaleur ardente, il convient de citer ce qui est le contraire. Et là, il est cité الثلج والبرد, la neige et le froid. فنسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا باردا. Pensez à ce qu'il convient pour la dissipation de ces fautes et de ces péchés-là, c'est ce qui est froid. C'est ce qui est froid. حتى يزول أثر العذاب بالكلية. Jusqu'à ce que se dissipent les traces du châtiment d'une manière totale et complète. D'une manière totale et complète. Je vous lis la traduction, comment ça a été traduit. Nous disons, les savants ont dit, par rapport à la réponse à cette question, la raison est qu'il est demandé à Allah de le purifier des péchés. Il dit, lave-moi de mes péchés. La souillure des péchés n'est pas perceptible par les sens. Les fautes et les péchés seront punis par le feu. Et le feu est chaud. Or, il est approprié de combattre quelque chose par son contraire. Ainsi, en opposition à la chaleur du feu, la neige et la grêle sont adéquates. Il est donc approprié que ce soit le froid qui élimine ses péchés afin qu'il ne reste plus aucune trace du châtiment. C'est pour cette raison qu'il a dit avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Voilà donc quelle est la sagesse. Cette ouverture donc, cet istiftah, il dit, rassemble l'éloignement du péché avant qu'il se produise, la purification après qu'il se soit produit, et l'élimination totale de sa trace avec l'eau, la neige et la grêle. Subhanallah. Vous avez vu ? Je vous le répète en arabe. فَصَارَ هَذَا الْإِسْتِفْتَحُ جَامِعًا لِلْبَعْدِ عَنِ الذَّنْبِ قَبْلَ وُقُوعِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ. Donc on a, vous avez vu, cette invocation, elle rassemble. Dans cette invocation, on est en train de demander à Allah qu'il nous protège des erreurs avant de tomber dedans ou de les accomplir. Et si on est tombé dans ces erreurs et ces fautes et ces péchés, on demande à Allah Azzawajal qu'il nous en purifie. S'il reste des traces, parce qu'il reste après la purification, qu'Allah nous lave de cela, de ses fautes, avec la neige, la grêle, l'eau froide. Quelque chose immense. Après que ce soit produit, cela. Il y a un autre doa que va mentionner l'auteur, un autre doa où il est rapporté que le prophète en salam disait Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Il y a ce dua aussi qui est rapporté. وَهَذَا الدُّعَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ من أجل أن يتعلمه الناس كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلموا أنها سنة ليعلموا أنها سنة. regardez, on a une autre invocation. On a une autre invocation où il nous est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, ça c'est une autre invocation qui nous est rapportée, où le prophète ouvrait la prière en disant, gloire, une traduction approximative, hein, la parole, lorsque le prophète disait, subhanakallahumma wa bihamdik, gloire et pureté à toi, Seigneur, et à toi la louange, que ton nom soit béni et exalté soit ta grandeur, il n'y a d'autre divinité que toi. Il n'y a d'autre divinité que toi. Ce dua là, il est rapporté par Abu Daoud, d'après l'épouse du prophète, Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Wa fi isnadihi maqal, wa qad sahahahu al-hakim. Certains ont discuté, certains savants ont discuté au sujet de la chaîne de transmission, ont eu une réflexion au sujet de la chaîne de transmission. Certaines choses ont été remises en cause dans la chaîne de transmission, mais le récit est authentifié par al-hakim. Et Al-Hafid, l'érudit Ibn Hajar, dit Rijal ou Isnad ou Thiqat, que les rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission, tous sont fiables. Ils sont fiables. Les rapporteurs de la chaîne de transmission, sauf qu'il y a une interruption. Il y a ce qu'on appelle Al-Inqita. Il dit dans la chaîne de transmission. Et l'imam Muslim rapporte, d'après Omar, radiallahu ta'ala an, من قوله وإنه كان يجهر به في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس من أجل أن يتعلمه الناس. Et il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim d'après Omar qu'il le prononçait à voix haute pendant la prière pour que les gens l'apprennent, pour que les gens l'apprennent. Et ce qui est très pertinent, regardez ce que va mentionner l'auteur ensuite. Il dit وكما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرا الفاتحه في صلاه الجنازه كما il est rapporté de Abd ibn Abbas qu'il récitait le Fatiha dans la prière de al-janaza à voix haute dans la prière pour le mort ou la prière funéraire pour que les gens sachent que c'est une sunna. Et ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari fi kitab الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. Et ça c'est ajib, parce que comme vous savez, la manière de faire salat على الجنازة, la prière sur le mort, la manière connue, on a dit 4 takbirat. On a dit dans le premier takbir, on récite le Fatiha. Et la fois dernière, on avait conclu notre assise en disant qu'une grande partie, une majorité de savants considèrent qu'on ne fait pas l'istiftah pour salat al-janaza. Et dans la dernière assise, on avait lu justement un bahth fi hadhihi al-mas'ala. On avait lu une recherche de savants concernant cette question-là. Et que le plus juste, certains savants ont dit, celui qui la lit, il l'a lu, mais le plus juste, le meilleur, c'est de la délaisser. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, al-salat al-janaza, ce qui est légiféré, c'est tarfif. C'est l'allègement dans la prière de al-janaza. Et donc, le fait de délaisser les stifter, ça fait partie de l'allègement. Donc le plus juste, de ne pas citer l'istiftah, mais tout de suite de faire l'istiada et le basmala et de lire le fatiha. Sauf que vous savez, dans certains madhab, comme le madhab de l'imam Malik, c'est pour ça que c'est beaucoup en vigueur au Maghreb et en Afrique, ils lisent pas le fatiha. Beaucoup d'imams ne lisent pas le fatiha après le premier takbir. Pourquoi? Parce que dans le madhab de Maliki, chez beaucoup de malikites, ils considèrent que toutes les takbirat, dans toutes les takbirat, on fait dua, même dans le premier takbir. Il considère bar de takbirat al-oula al-dua, wa takbirat al-thaniya al-dua, wa thalitha al-dua, wa istadallu bi hadith al-Nabi sallam akhlisu lahu bid-dua. Vous savez le récit du prophète, lorsque le prophète avait enjoint pour le mort, le prophète a dit akhlisu lahu bid-dua, invoquez pour lui. Soyez fervent dans l'invocation, sincère dans l'invocation. Akhlisu lahu bid-dua. Donc d'invoquer pour le défunt. Fastadalu, ils ont déduit parmi les preuves de ce récit que salat al-janaza, c'est ad-dua dans toutes les takbirat. Et subhanallah, l'avis de beaucoup de savants, et ce qui est l'avis de rajih chez beaucoup de savants, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il n'y a pas de prière pour celui lam yaqra bi fatihati al-kitab qui n'a pas réciter le Fatiha. Et il considère que le janaza, ça s'appelle salah. Ça s'appelle prière. Donc, même ça, il faut lire le Fatiha. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, subhanallah, regardez, il y a un athar de Abdallah ibn Abbas. Rakizou ala hadha al-athar, qui est rapporté dans le Bukhari, wa kana ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, yaqra'u al-fatihata fi salatil janaza. Jahran liya'lamu annaha sunnah. Et regardez ce qui est rapporté de Abdallah ibn Abbas. Shoumla Asamin, il rapporte que Abdallah ibn Abbas, il lisait kana yaqra al-fatiha fi salatil janaza, jahran, à voix haute. Liya'lamu, yani annas. ليعلم الناس أن قراءة الفاتحة سنة وقال هنا سنة أنها سنة donc ça veut dire c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de lire الفاتحة في صلاة على الجنازة وكل الناس يقولون هذا ولكن لا يفهم معنى إلا القليل سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم. Et Cheikh, il dit, en ce qui concerne ce dua, il dit, beaucoup de gens le disent, subhanakallahumma, mais ils ne connaissent pas le sens de cette invocation. Le sens de cette invocation. Il dit, le sens de cette invocation, nous on traduit en français souvent, exalté soit ta grandeur. Exalté soit ta grandeur. Ou plutôt, gloire et pureté au Seigneur, plutôt plus cette traduction-là, gloire et pureté à toi, au Seigneur. Chiril dit, c'est-à-dire, je proclame ta pureté. Subhanak, je proclame ta pureté. Ça dit, c'est un tesbih. Pour ça, on dit, c'est une glorification. On glorifie le Créateur. C'est rendre gloire à Allah en le proclamant pur et tenzi, de tout ce qui est incompatible avec sa sainteté, sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Et ce qui ne peut être, ou ce qui peut être lui attribué, se résume en deux choses. Il dit l'anthropomorphisme, le comparer aux créatures, et lui reconnaître des imperfections dans ses attributs. C'est comme si tu disais, ô Seigneur, j'écarte de toi toute forme de ressemblance avec les créatures et toute imperfection dans tes attributs. Vous avez vu, lorsqu'on dit subhanakallahumma, ce que ça sous-entend. Ça sous-entend que dans aucun cas on compare le Créateur avec ses créatures. Et aussi, ça sous-entend en aucun cas on attribue l'imperfection au Créateur. C'est ce qu'on appelle التنزي. التنزي, Allah est exempt de toute forme d'imperfection et de diminution et de manquement. Et donc, le croyant, lui, il attribue à Allah Azza wa Jal la perfection. La perfection. Ça, c'est le deuxième doa qu'on apprend. Là, on va voir qu'il y a différentes façons de faire l'istiftar. Donc, première question. Est-ce que ce qui est demandé, c'est celui qui en connaît différentes? Peut-être parmi vous, il y en a qui ont appris deux manières, trois manières, puisqu'on va voir, il y a différentes manières. Wa raja'u kitab salat sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Sheikh al-Albani wa zakara al-Siyar, ce qu'on appelle al-Siyar, les différentes façons de dire al-Istiftar. Donc celui, par exemple, qui en a appris différentes, et en a appris plus d'une, il en connaît deux, il en connaît trois. Est-ce que lui, il doit les dire? Il dit, lorsqu'il ouvre la prière, avant de lire le Fatiha, est-ce qu'il les dit toutes, tout ce qu'il a appris, ou bien il en dit qu'une? Il en dit une, ensuite dans une autre prière, il dit une autre. Donc il y a ces deux manières. Soit, alors il les dit toutes, ou soit, il en dit qu'une. Et dans une autre prière, il dira une autre qu'il connaît. Là, les savants, ils disent, il dit une. Pourquoi? Parce qu'il va faire ce qu'on appelle attenuir. Comme il y a différentes invocations qui sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les a apprises, ces différentes invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, dans une prière, il utilise une, puisque c'est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disait une, dans une prière. Et dans une autre prière, il ne voit. Il varie. Dans une autre prière, il va dire une autre qu'il connaît. Celui qui connaît que la première qu'on a dit, il dit tout le temps celle-là. Et c'est très bien. Mais celui qu'on connaît plusieurs, ce qu'il fait, il varie. Il varie. Dans une prière, il dira tantôt celle-ci. Dans une prière, il dira la deuxième qu'il connaît. Dans une autre prière, il pourra dire une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes façons qui nous ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. طيب لذلك في هذه المسألة هل يسن للمسلم أن يجمع أكثر من صيغة؟ La question, beaucoup de savants l'ont traité. Ils ont dit, est-ce que le musulman, donc dans sa prière, il réunit différentes façons de dire ? وَيَقُولُهَا فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ يَقُولُ كُلَّ صِيغَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْوَارِدُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ أَكْثَرَ مِنْ صِيغَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْمُسْلِمَ الصَّلَاةَ بِدُعَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لِلشَّارِحِ لِكِتَابِ صِفَاتِ الصَّلَاةِ النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن en réalité là je vous résume. Donc certains savants, beaucoup de savants disent qu'on cite qu'une façon. Là je vous résume pourquoi, parce que dans le commentaire de la description de la prière de Cheikh Al-Albani, celui qui fait le commentaire, c'est un savant de la Mecque qui fait le commentaire. En réalité le commentaire est Yatoul. En réalité Yatoul. Moi je vous ai résumé la réponse, qui dit que le musulman, il cite une dans une prière. Sinon, là, on peut prendre toute l'assise à traduire. Et donc, je vous résume. Je vous résume. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres questions encore. Taïb. Binisbat al-hukm. Maintenant, le jugement. Comme on a dit tout à l'heure, masalat al-hukm. Le jugement al-istiftar. Est-ce que c'est obligatoire ? Recommandé ? Concernant la parole des savants sur ça. Al-Masala, قال الشارح هنا, ما حكم دعاء الاستفتاح? Qu'est-ce que les savants ont dit en ce qui concerne le jugement? Est-ce qu'on dit que c'est une obligation? Attention, parce que les mots sont. Si on dit que c'est une obligation, le croyant ou la croyante qui dit pas, il a commis une faute. Si on dit que c'est recommandé, alors celui qui le fait, il sera récompensé. Celui qui a délaissé, il n'a pas commis de faute. Donc vous avez vu les. Chez les savants, les mots sont lourds. Pourquoi je vous lis le bahs? Parce que vous allez voir. Qal al-sharih, il dit: ma hukm ad-du'a al-istiftah? Al-jawab: zahiru ma warada fi al-hadith aw fi hadith musi salat musi as-salah annahu 'ala al-wujub li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam amara bihi musi as-salah. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li musi as-salah kama fi riwayah la tatim as-salah li ahadin min an-nas hatta yukabbira wa yahmadu Allah 'azza wa jalla ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il va dire. Premièrement, il dit, si on regarde l'apparence des textes, on dirait que c'est obligatoire. C'est wajib. Pourquoi? Parce que il y a un hadith qui s'appelle le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Un jour, un homme, on avait fait allusion à ce récit, un jour, un homme est rentré dans la mosquée alors que le prophète kana fi zawiyatil masjid. Le prophète était dans un coin de la mosquée. Un homme est rentré dans la mosquée, il a prié. Après avoir fait sa prière, fa dhahaba ila an-nabi sallam wa qala lahu salam alayka ya rasulullah. Fa qala sallam alayka as-salam. Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Et le prophète lui a dit, lorsque l'homme est venu ensuite à lui après avoir prié, il lui a dit paix à toi au messager d'Allah. Le prophète lui a dit et que la paix aussi soit sur toi, retourne prier car tu n'as pas prié. Subhanallah. Et ce hadith ensuite, il a été nommé le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Ça, c'est à l'époque du prophète, comme on l'avait déjà dit. Près de 15 siècles de ça, alors que le prophète était vivant, une personne est rentrée dans la mosquée, avait mal fait sa prière. Ça veut dire que nous, à plus forte raison, près de 15 siècles après, on peut mal accomplir notre prière. D'où l'importance de bien apprendre. Pourquoi ? L'importance de bien, parce que c'est une adoration qu'on fait quotidiennement. Et des fois, on parle de masail, de questions qui nous dépassent. On est plongé dans des questions qui nous dépassent. Et d'abord, ça ne fait pas partie de nos prérogatives, comme on dit, et ça ne fait pas partie de notre champ de compétences. Mais on parle de questions qui nous dépassent, alors que la prière, on ne la maîtrise pas. La prière, on ne la maîtrise pas. Alors que vous savez, fait partie du bel islam de l'individu. Le prophète nous apprend un hadith qui est immense. C'est quoi le bel islam? Le prophète, dans un récit, il dit « Min husni islam al-mar tarku ma la yughni » fait partie du bel islam de l'individu de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et c'est pas juste, par exemple, je rentre pas dans la vie d'un tel. On le comprend comme ça. Bien sûr, ça fait partie du récit. Je ne dois pas rentrer dans la vie d'un tel. Ce qui ne me regarde pas, le croyant fait partie de son bel islam, de ne pas rentrer dans la vie des gens. Je ne rentre pas dans la vie de mon voisin. Je ne rentre pas dans la vie de mes... Je ne suis pas une personne qui est indiscrète, je rentre dans la vie des gens. Mais aussi, le récit veut dire quoi? Le récit veut dire aussi, je ne parle pas dans les choses dont je n'ai pas de compétences. Je ne rentre pas dans les domaines, je n'ai pas de compétences. Et ça, beaucoup, et ça c'est des savants qui font allusion à ça dans le commentaire de l'Arba'in Nawawi, beaucoup omettent cette explication-là. Aussi le fait de ne pas rentrer dans ce qu'on ne regarde pas, ce qui ne nous regarde pas, c'est ne pas rentrer dans les compétences qu'on ne maîtrise pas. Dans les compétences qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a beaucoup de sujets que l'on traite, on parle, alors que le domaine de la prière, on ne maîtrise pas. Beaucoup de questions de la prière, on ne maîtrise pas. Al-Muhim. Dua al-Istiftah, le prophète va l'enseigner à celui qui est rentré à l'époque dans la mosquée, à l'époque du prophète, il avait mal fait sa prière. Donc l'importance de bien l'apprendre, parce que si à l'époque du prophète une personne a mal fait sa prière, nous à plus forte raison on peut mal l'accomplir. Il a réitéré la prière, il est revenu au prophète. Le prophète lui a dit, encore une fois, retourne faire ta prière car tu n'as pas prié. Et il est dit dans une version du hadith cela trois fois. Sauf que, dans ce récit-là, il est dit, la tatim salatu li ahad min an-nas hatta yukabbira wa yahmid Allah azza wa jal wa yuthna alayhi wa yaqra bima tayassara min al-Qur'an. Et regardez, le prophète, ensuite, l'homme est revenu, et il est cité au bout de trois fois, le prophète lui a dit, retourne et prie car tu n'as pas prié. Et l'homme, la troisième fois, il a rapporté, il a dit, Ya Rasulallah, je ne sais pas faire autre chose. Allimni, enseignement. Et regardez, le prophète, dans une version du récit, il va lui enseigner, il va lui dire, au début, La tatim mu salat li ahadi minan nas hatta yukabbira wa yahmadillah. Ça c'est quoi? Je vous le traduis en français. La prière de l'un d'entre vous ne sera point complète jusqu'à ce qu'il dise Allahu Akbar, qu'il fait l'éloge d'Allah, et qu'il fait les louanges et fait l'éloge du Créateur, et qu'il lise ce qu'il sait, ce qu'il peut du Coran. Qu'est-ce qu'on comprend? Quand le prophète lui dit la prière de l'un d'entre vous ne sera point complète jusqu'à ce qu'il yukabbir, donc il dise Allahu Akbar, et avant qu'il dise le prophète, qu'il récite ce qu'il peut du Coran. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que yahmadillah wa yuthna alayh, qu'il fasse les louanges d'Allah et ses éloges. Ça veut dire quoi? Il dit ça, c'est l'istiftah. C'est l'ouverture. C'est pour ça que Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'apparence du récit, si on prend bil-zahir, wujub. Al-hukm bil-wujub. Oh! لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسلم. Est-ce qu'il est permis, après l'Adhan, de continuer le cours au lieu de prier Raka'atayn? Certains peuvent se poser cette question. Pourquoi on ne se lève pas en priant Raka'atayn? Parce que Adhan al-Mu'adhin, dans la mosquée du prophète, sallam, l'un des plus grands savants fi hadha zaman, fi hadith al-Rasulillah, sallam, ils l'ont appelé Jawharat al-Madina, la perle de Médine. Sheikh Abdel Mohsin al-Abbad, l'un des plus grands savants contemporains. Wa kana zamil al-imam al-Albani fi al-Madina. Wa huwa kana mudir al-jami'a. Wa huwa min ahid kibari al-ulama. Fait partie des plus grands savants. Vous savez, dans sa vie, là aujourd'hui, il est très vieux. Il est très vieux. C'est le plus grand savant fi al-hadith. Vous savez, ses élèves, ils lui lisent des hadiths bil-isnad. C'est l'un des seuls fi hadha zaman. Ils lui lisent l'isnad, il s'arrête à tous les noms et dit hadha thiqa, hadha da'if, hadha matruk al-hadith. Il connaît tous les hommes dans les chaînes de transmission. Lui, tous ses cours, kan bayna salat al-maghrib wa l'isha. Entre salat al-maghrib wa l'isha. Dès qu'on est dans la mosquée du prophète, fi masjid al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le mu'adhin faisait salat, le sheikh yuwassil al-dars. Vous savez pourquoi? Al-imam al-shafi'i. Il disait, talab al-im, afdal min qiyam al-layl. Vous êtes la nuit en train de lire. Tatafaqqah fi din, c'est mieux que tu pries. Il disait, c'est mieux que as-salat. Pourquoi? Parce que كم من الناس في الزمن البعيد كانوا يعبدون الله عز وجل لكن بلا علم. بلا علم. Allah dit غير المغضوب عليهم ولا ضالين. الضالين سكين الذين عبدوا الله بلا علم فضلوا. Donc celui qui apprend l'ilm الشرعي, l'ilm النافع, احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Le prophète dit man ida arada Allahu bi 'abdihi khayran yufaqihu fi ad-din yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. L'ilm, c'est le irth, c'est l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est pour ça fi zaman qadim jusqu'à aujourd'hui, des gens, c'est des ubad, c'était des adorateurs. Ils adorent Allah toute la nuit, ils jeûnent la journée, ils prient la nuit. Mais, bila ilm. Et lisez le livre de Talbis Iblis d'Ibn al-Jawzi. Il parle que de cela. C'est pour ça que les grands imams à l'époque, les grands imams, ils exhortaient d'apprendre les hadiths du prophète Sam, et les ilm, c'est très important. C'est très important. Wahad al-Shah Abdel Masala Abbad, il faisait jusqu'à l'Iqama. Jusqu'à l'Iqama, il répondait aux questions. Asilat al-Nas, Asilat al-Hujjaj. As-salat al-talabat al-ilm, les questions des pèlerins, les questions des étudiants, les questions des talab al-ilm qui sont dans l'assise. Jusqu'à ce qu'il a, alhamdoulilah, il a quasiment tout commenté de kutub sunan. Il a fait le Bukhari, tout le Bukhari il l'a commenté, l'authentique de l'imam muslim, sunan ibn Majah, wa tirmidhi, il a commenté tous les livres de hadith, tous les livres de hadith. Il y en a d'autres, mais les connus, Kutub al-Sitta les a commentés. Jusqu'à ce qu'un jour, ensuite, les autorités ont voulu lui donner une ja'iza, un cadeau. Les khidmati sunnat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le roi du pays ont voulu lui donner un cadeau pour tout ce qu'il a fait, tous ses cours, toute sa vie. C'est plus d'une quarantaine d'années d'enseignement. Alors, ils l'ont convoqué et lui ont donné une grande récompense. C'est une grande somme d'argent, des milliers d'euros. Sheikh a refusé. Il n'a rien pris. Il a pris, mais il a distribué à ses tullab. Il a distribué aux étudiants en science. Wa huwa kana fi khidmati sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idan, yawmi ghadan inshallah nawasil al-kalam. On continuera dans demain inshallah à parler sur la partie du hadith qu'on va voir. La tatimmu salatu li ahad min an-nas hatta yukabbira wa yahmid Allah. Et là on voit ces deux al-istiftar. Et on parle de hukm, on parlera du statut de cette invocation. Donc l'invocation qu'on dit entre le takbir et la sourate al-fatiha. Pourquoi? Parce qu'il est bon, pour ceux qui n'étaient pas là, juste un petit rappel, il est bon, avant de lire al-fatiha dans la prière, d'invoquer, de faire ce qu'on appelle du al-istiftar. Il y a une invocation. Pourquoi? Parce que les compagnons à l'époque, ils avaient remarqué que le prophète, lorsqu'il priait, il laissait un silence. Ils avaient remarqué l'imam, parfois, souvent, on dit Allahu Akbar, et avant qu'il commence à le fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on voit, il y a un silence. Il y a un silence. Ça, c'est la sunna du prophète. Parce que le prophète, il laissait un silence. Et ensuite, Abu Huraira, il avait vu que le prophète laissait toujours un silence. Il est parti voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu dis pendant que tu es en silence? Regardez, je vous lis juste ça, cette partie-là. Wa nusalli, inshallah. Bidalil ma ja'a an Abi Huraira, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaskutu bayna at-takbiri wa bayna al-qira'ati iskatan. Iskatan. Ay, ahsibuhu, qala, hunayatan. Faqultu, bi'abi wa ummi ya Rasulallah. إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ما تقول فيها في هذا الإسكات قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث دعاء الاستفتاح. Et donc c'est le compagnon Abu Huraira, il avait remarqué que pendant la prière le prophète en sallam il laissait un temps, il disait Allahu Akbar, ensuite il y a un silence. Pendant ce silence que l'imam fait, réciter cette invocation, dua al-istiftah. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris, et on détaillera bien ça dans l'assise de demain, c'est qu'un jour, un homme est rentré dans la mosquée, il avait mal fait sa prière. À trois fois, le prophète lui avait dit, retourne faire ta prière. Irji' fa innaka lam tusalli. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. L'homme ne savait pas faire autrement. Au bout de trois fois, il a dit, ya Rasulallah, allimni. Et là, le prophète, regardez ce qu'il lui a dit. Écoutez bien, le prophète lui a dit, لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر حتى يكبر. Il dit الله أكبر. Ensuite il dit ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. يقرأ بما تيسر من القرآن. هذه الحمد لله قراءة القرآن. Mais certains savants ils ont dit حتى يكبر ويحمد الله. هذا الاستفتاح. هذا قول بعض العلماء. قول بعض العلماء. إذن دعاء الاستفتاح مهم جدا. لكن سنرى أن العلماء ذهبوا إلى الاستحباب. جمهور العلماء, la majorité des savants, جمهور العلماء, ils disent que c'est مستحب. دعاء الاستفتاح مستحب. لماذا? On verra cela, différents points, pourquoi ils disent que c'est recommandé dans la prochaine assise. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.